de du Kansas, du Neuchâtel. Ok. Ok. Tout seul, je zone tout seul. Pas de boussole, pas de casque en zone. Donc je me sens seul, donc je me sens seul. Je vois que ça galère pour trouver un salaire. Pas de faux salaire, ils veulent me salir. Je suis qu'un rappeur, vraiment je trouve ça lourd. Je les bande en l'air, je suis à 200 à l'heure. Que calor, peu de confiance, trop de paroles. J'ai sué pour avoir ma Rolex. Je reste moi-même, je joue pas de rôle. En train pour se stabiliser, rebattre sur les Champs-Élysées. T'es en dette, faut rentabiliser. Je te vois culpabiliser, faut pas baliser, mais canaliser. Perquise, menotte. C'est plein de chroniques que l'autre. Pour rien t'inviter l'autre. Salope. Jou, the king. Je suis au quartier, je drink. Plus je drink à la santé de qui s'en sortent avec la gratte ou les brinks. Génération vive comme Sangouane. Reste au basket, t'as Wang. Quand c'est la crise que y'a pas one. Fais le signe Jules, c'est du gang. Où c'est corps, t'as tué ton temps. Là quand on t'entend, tu dis j'écoutais du billet ou du temps. T'as j'entends. Le commerce se fait des rêves. Elle aimerait me voir frapper ta fenêtre quand j'lève sur le boulevard Saint-Thérèse. Tu peux voir plus loin, ça m'intéresse. Je me verrais bien comme Gennaro. Rentrer chez moi avec un théma et son éclaireuse. Tu voulais que j'arrête, c'est jamais fini. Quand tu veux me parler, vini. J'ai pas les caméras, j'suis timide. Pour mes galériens qui croyaient en moi quand j'valais rien. Jean les Schmitt sont pas les bienvenus, ils nous parlent comme des moins que rien. Vise la baffe que je vais te mettre. Si tu me fais le contre-maître, si tu fais le traître, on s'éloigne, on te guette. Et si l'œil tu nous jettes, ta tête on te pète. Au fait, tu as pas, s'il te plaît. Tu me jettes, j'ai mon shit dans mon survêt. Je tire de bire, j'ai le cerveau surveillé. Jamais je me tire, je reste à vie sur seille. Sur ce, niquez vos mères. Chantier qui t'armait, je reste terre. Je me suis retrouvé seul comme un fatigué à vomir devant son gros derge. Maman mia, quelle beauté. Chaque feu rouge, je me sens traqué. Talent traqué que j'ai toujours près de moi. Un taser, une matraque. Pas de tracage, je suis pas détraqué. Parle pas de moi, je vais te mettre détaqué. Ta tête, je peux plus la saquer. Y'a plus des gains, je fais confiance à qui. Quand tu seras au sommet, ils voudront de l'amour. Ils diront tous que t'es le plus fort. Qu'ils écoutent que toi, les autres c'est tous des putes. N'importe quoi, quand tu chuteras, ils s'éloigneront. D'un coup, t'auras plus de nouvelles. C'est pas marrant, tu peux toucher le fond. Y'a personne qui défonce un marrant. Apparemment, ça m'est dans l'aimé fortement. À cause de ça, même ton pote te ment. Depuis qu'il s'est fait tarder, il parle gentiment. Il chante moins. Si je meurs demain, le jaloux dira chier. Si j'ai couillé, moi je me rachète. Franche pas, tu meurs à chaque fois que ça parle. Moi, elle augmente ma rage. Passe-moi le micro, je vais te l'arracher. Viens pas cacher quand t'as pas l'âge. Tu m'as salé grave, me fais pas l'âge. Je m'en bats les couilles, c'est à qui de raser. Ça s'embrouille pour des choses basiques. Ça se débrouille pour s'en perdre d'asile. Je traîne dans la zone, tu es nostalgique. À force de tout péter, j'attrape la grippe. J'aurais besoin d'un antalgique. Je côtoie la rue, je côtoie pas le chic. Parle pas mal de mon tic-tic. On va te péter les chicots. Là, vite moi, je vais leur montrer d'où je viens. Je suis remonté. Alors écoute. Personne m'aide que je me souvienne. La vie de moi, je vais leur montrer d'où je viens. Je suis remonté. Alors écoute bien, personne m'aide que je me souvienne. Ok. Planète rap. Quand je baffe dans la nuque. Ok. Ça fait. Djoul. On m'appelle l'OVNI. Ok. Je sais à ce que t'es prêt à faire pour tes billets verts. T'es plus le même quand tu bois de verre. Là j'opère, je pars. Je suis de ce camp quand ils sont pères. Y'a pas pire pour ma part. Heureusement que la musique me libère. Quand je me perds et je pense qu'un jour je ferai le tour de la terre. J'aimerais mourir tard à mon frère et je le souhaite à ma mère. Je voulais vous dire que je sais pas tout. Je fais des boulettes sur le siège baquet. Il m'arrive que des merdes. Oh là ils ont mis comme tout pas que ça court. Barre de pas court, tant mieux que ça marche. Faut que je fasse péter le marche. Faut faire attention à la marche. Pas tomber dans la neige par exemple. Me donne pas de sang. Faut être vécu le sang, quand tu le sais. Je suis paresseux, je donnais l'alerte. Car le chien paraissait, viens par ici. Froid la pute, je prends ton pote, j'suis pas la bite. J'ai vite les top, les parasites, les plans mines, je suis pas rasé. Paraît-il, t'es une pourriture. Et on pourrait dire, tu serais prêt à faire le dur pour de la nourriture. J'suis dans la nature, j'ai pris des textes de fou, balai que j'fais des ratures. J'me fais discret comme ce Schmitt, là en filature. Du mal à m'exprimer, c'est mon snap perso, donc arrête de screener. Merci, tu me coules, grâce à vous, j'étais le plus streamé. Mec, t'es étrange, comme Calé Schmitt, passe ton fond dans 3 jours. Rien de tragique, au béton, y'a des stratégies qu'il faudrait remettre à jour. Parle pas de moi, parle pas de nous, j'comprends pas, t'es fou. Tiens, pilote, lève le grand, c'est fait toucher le garde-boue. Garde tes manies, range tes manies. Puis la baisse, si t'es banni, même. suivante. Dédicace à tous mes frérots en prison, à ce qu'ils leur font les missions, vaillant. Y'a les hommes, y'a les ombres. Moi quand ça veut se montrer, je rentre à la maison. Ok. Je préfère un mec simple qu'un mec sans plaie. Gamberge. Ok. Crise au check mec. Je rends pour mes frères pas libre. Entesté dans ces coins ça allume. Salut. Je pour un reste ça s'allume. Salut. Ça se critique, ça se dit salut. Salut. Serre les dents les poings. Et rends-y son point. Au secteur je tue mon temps. La bec qui frotte le rond-point. Le faux cul. A toujours sourire en coin. Il a parlé de tout le monde. Là tu le vois mal en point. Parle pas, tu me dégoûtes. Petit con, tu remixes tout ce que t'écoutes. Raconte pas tes scoops. Alors comme ça, je baisse les gens à skip. Ah ouais, que ça parle, mais ça vient pas me voir. Ça veut argent, femme et pouvoir. Trop jaloux, ils font me décevoir. J'aurai plus même dès ce soir. Redescends, t'es pas mesrine. Laisse rime et l'ovni, chante, tu connaisses rien. Vont dans l'extrême, laisse tomber, moi je tombe pas. Je me dis que si tu pars à l'échec, tant pis. Fais pas style, t'entends pas, t'entends. Te prendre un coup, tu feras que c'est tentant, mais je t'en perds. J'en ai marre de me répéter, je suis pas ton père. Tu me vois tout blanc, mais attention, je te casse ton berge. Je veux pas, j'ai grandi là où ça rusait. Tu niques ton pote, tu crois que t'es un bon pour monter la risée. Je vais te déscolariser, évite de banaliser. Il fait gaffe à pas glisser, à pas être totalisé. Shorty, moi j'ai fait la coupe, j'ai dit bonjour à l'équipe. Toujours habillé pareil, dans la rue ou dans les clips. Shorty, moi je fais la coupe, j'ai dit bonjour à l'équipe. Toujours habillé pareil, dans la rue ou dans les clips. Je t'en passe, sur la basse, fais de la plage, plein à ta tasse. Je fais danser ta ta ta, gamberge dans ta tête. À la calme, ta ta ta, je t'en ai mille. N'aime comme Willy, Willy. Team Jules the best, oui oui, oui oui. Je rentre sur scène en willing, willing. Quand le chat n'est pas là, pas là. Les souris font la mala, mala. J'ai pas perdu technique au ballon, ballon. Gaucher comme dit bala, bala. Sans que tu sens la patate, tu fils de pute. Si je nique mon coffre, ça visera pas les potes. Les putes, les potes, je sais plus, je sais pas. Je suis vraiment déçu, y'a un bruit même plus, je sais pas. Bientôt je pars, mais là je tire mes cartouches. Je m'en tape du bain, je m'en tape du poula Kardash. Je rentre dans la rue, j'ai appris le partage. J'ai fait le manque d'un frère, j'ai fait rentrer le pactage. J'ai vu des têtes de cifre vers 3h du matin. J'ai vu des têtes de loup quand je me suis mis à l'œil ton. Tu m'as dit, je vais pas te parler latin. Que ça parle dans le dos, j'attends la suite du feuilleton. A plus de dix, tu parles pour qui. Que t'envoies des vous, tu parles pour qui. Teste-moi, tu verras qui dérouille qui. Ton grand-père la peau qui. Ne fais pas le BDH, tu vas te faire insulter. Sur le blouson, et t'as vu, ce fils de ta U. C'est maintenant que tu poses des questions, et sincérité. Comment est vrai jusqu'à la mort, ouais, je peux militer. Je suis pas bien, laisse-moi comme ça. Je te le répète, laisse-moi comme ça. C'était des frères, c'est devenu des lames, ça. J'en ai marre, trop de combats. Y'a que les vrais pour continuer le combat. Ma tristesse à l'aise pour quand je suis seul. Quand je suis avec les miens, je suis bien, j'oublie presque que j'ai le seum. Dans ce cas, je suis loin d'être tout seul. Dans ce cas, je suis loin d'être tout seul. Dans ce cas, je suis loin d'être tout seul. Tout seul. Comme je galère, si tu savais. Tu l'aurais su si j'en ai gavé. C'est pas facile, on en a bavé. 20 heures sur le dos, j'ai avé. Comme je galère, si tu savais. Tu l'aurais su si j'avais été gavé. Facile, on en a bavé. 24 heures sur le dos, j'ai avé. Avé. Et merci.